Les mots qui se terminent par « al » ou « elle » en français, « al » et « el », sont généralement « generally » les mêmes en anglais comme « général »,« general »,« je »,« general ». Généralement Generally ? Generally. Generally. Generally. General, generally. Général, general. Généralement, generally. Normal? Normal? Normal. Normal. Normalement? Normally? Normally. Yes. Normally. Un peu? A little. A little. Pas maintenant? Not now. Good. Not now. Possiblement un peu plus tard. Possibly. Un peu. A little later. Good. Alors, un peu plus tard, un peu, a little, plus tard, later, pas maintenant, not now, possiblement, possibly, un peu plus tard. A little later. A little later, yes. Not now, possibly a little later. Je ne l'ai pas maintenant. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas ça maintenant. I don't... have it now. Yes, I don't have it now. Yes, yes, I don't have it now. Je veux le voir. I want to see it. Right. Once more. I want to see it. Right. I want to see it. I want to see it. Je veux voir ça. Je veux le voir. I want to see it. Je veux vous voir. I want to see you. Right. I want to see you. Manger. To eat. To eat. Right. To eat. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? Right. Que ou qu'est-ce que? What? Pour dire que, qu'est-ce que ou quel, on emploie le même mot. What. W-H-A-T. What. Alors, comment dites-vous? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? What do you want? What do you want? Qu'est-ce que vous voulez manger? What do you want to eat? Right. What do you want to eat? Faire. To do. To do. To do, ça s'écrit to, T-O, do, D-O. To do. Faire. Je veux le faire. Je veux faire ça. I want to do it. I want to do it. Je ne veux pas le faire. I don't want to do it. Right, I don't want to do it. Voulez-vous le faire? Do you want to do it? Right, do you want to do it? Pour moi? For me? Right, do you want to do it for me? Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? What do you want to do tonight? Good, what do you want to do tonight? Pourquoi voulez-vous le faire? Why do you want to do it? Right. Why do you want to do it? Vous vous souvenez de l'expression comme ça? Comme ça? Il y a deux façons de le dire. Ah, that way? That way. That way, yes. That way. This way signifie comme ceci. Mais comme ça se dit that way, that way. Comme ça, de cette manière. Alors, pourquoi voulez-vous le faire comme ça? Why do you want to do it that way. Why do you want to do it that way? J'aime. Aimer, bien aimer, c'est to like. To like. J'aime, j'aime bien, ça me plaît. Alors par exemple, j'aime le faire comme ça ou ça me plaît de le faire comme ça. I like to do it. Oh. I like to do it. Ooh. That way. That way, yes. I like to do it that way. Je n'aime pas le faire comme ça. Ça ne me plaît pas de le faire comme ça. I don't like to do it that way. I don't like to do it that way. Aimez-vous le faire? Est-ce que ça vous plaît de le faire? Do you like do it? No, no, no. Do you like to do it? Do you like to do it? Do you like to do it? Qu'est-ce que vous aimez? What do you like? What do you like? Yes. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que ça vous plaît? Do you like it? Right. Do you like it? Ça ne me plaît pas. Je ne l'aime pas. I don't like it. I don't like it.